Ici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que hier dans la section entrevue de danretosport.com, on a parlé avec le nouvel instructeur chef du multiconcessionnaire Jean Dumas du Lac-Saint-Jean, Gérald Leclerc. Gérald Leclerc mentionne que dans un premier temps, de la manière qu'on a présenté le projet de la nouvelle équipe et ses disponibilités, ben ça a fait en sorte qu'on a réussi à le convaincre de diriger la formation du multiconcessionnaire. La façon dont ça m'a été présenté, c'était un nouveau défi. Okay. La disponibilité au travail, c'était la raison pourquoi j'avais arrêté d'entraîner. Maintenant, là, étant donné qu'il y avait la façon qu'ils ont proposé le projet, il y avait seulement un match par fin de semaine. Puis là, c'est pour ça que la disponibilité, j'en ai pas plus, mais là, c'était plus accessible. Puis on a parlé beaucoup d'ajustements, fait qu'on s'est entendu là-dessus. OK. Qui m'a donné le goût de revenir. Parce que là, le goût du hockey, il a toujours été là, mais c'était la disponibilité au travail que j'avais pas. Okay. On sait que c'était le repêchage mardi, et Gérald Leclerc a mentionné qu'il ne connaissait pas vraiment les joueurs. Par contre, il a eu beaucoup d'aide de la gérante Nicole Villeneuve. Liste de joueurs qu'on savait pas mal qui allait venir, notre territoire plus le territoire d'Allemand. Allemand, on avait les joueurs d'Allemand, on avait les 5 premiers choix. OK. Donc, on savait avec qui, quelle en ligne qu'on s'envoyait choisir là, avec ceux d'Allemand. OK. Pour le reste, j'en connaissais pas beaucoup. Une chance qu'on avait Nicole qui avait un vécu avec eux autres. Là. Il a pu les voir aller au cours des 10 dernières années. Ouais. Puis, on y est allé ce qu'on pensait, puis que un peu avec les testings, parce que là, on pouvait pas aller les voir jouer. On était en début d'été, début d'année, je veux dire. OK. On n'avait pas de point de repère pour les choisir. Puis on est allé sur le feeling. Puis là-dessus, on s'est aperçu, on a fait des téléphones hier avec les niveaux qu'on a choisis. On s'est aperçu qu'on avait des bonnes surprises, des belles surprises. OK. Donc... Et dans un dernier temps, Gérald Leclerc mentionne que de la manière que les pratiques vont être organisées. OK. On va être capable, si le groupe est important, on va être capable de se séparer en deux. Sinon, on va faire un peu plus qu'un entraînement normal. OK. On va être en mesure de se préparer comme il se doit. Puis s'il faut rajouter des séances, je sais que le vendredi, il y a une disponibilité aussi, là, quand ça va être possible. Puis quand la vraie réalité, c'est être capable que les joueurs soient là. C'est clair. OK. Donc, ça va être beaucoup la présence des joueurs qui va décider la façon qu'on... On a également parlé avec Sylvain Hervé, qui est le président des Éclairs de Charlevoix. Et Sylvain Hervé a mentionné que le repêchage de mardi, ça a fait en sorte qu'il ne connaissait pas beaucoup les joueurs. On avait beaucoup travaillé au niveau local et c'était moins important ce repêchage pour les Éclairs. On va l'écouter. On est quand même assez bien garnis. C'est pour ça que le repêchage, nous... pour nous, c'était quoi d'important, mais on a fait quand même nos recherches localement là, pour être sûr qu'on ait assez de joie pour se présenter aux différents endroits. Là. OK. Dites-moi. L'accueil des gens de Charlevoix envers le hockey senior va très, très bien. On estime qu'on a déjà 100 billets de vendus et on prétend même atteindre 150 billets de saison. Et vous autres? Ouais, généralement, notre barème, c'est sur 400-500 personnes. Nous autres, on a de vente de billets de pré-saison établis. Nous autres, on marche de cette manière-là ici. On a au-dessus de 100 billets vendus de billets de saison présentement. Donc, puis en fin de semaine, il y a une tournée finale là, de billets de saison pour la saison qui s'en vient là, vendredi et samedi à l'Arena de Clermont pour finaliser les billets de saison. On devrait vendre à peu près 150, un entour de 150 billets de saison. Non, c'est quand même. Dans un dernier temps, Sylvain Hervé mentionne que ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaillait à élaborer un plan pour l'équipe de Charlevoix. Il y a ça depuis le mois de mai, nous autres, même avant, avril. Okay. Par rapport peut-être aux autres équipes de notre conseil de la Ligue, on travaille ça de bonne heure. On a travaillé de bonne heure les commanditaires, on a travaillé de bonne heure les. On a fait une réunion, je me souviens, je pense, fin avril ou début mai avec des joueurs intéressés. Tu sais, on a brossé ça tôt, là. On était quand même assez près, mais il manque toujours des bénévoles, ça, t'es toujours sûr, mais au fur et à mesure que la semaine va avancer, on devrait s'organiser avec ça. L'instructeur, ben, il est avec nous autres depuis, parce qu'on a quand même, un historique, on a joué dans BBF pendant plusieurs années, là, dans Bruce Bellechasse, Frontenac. Le camp d'entraînement des Marquis de Jonquière va débuter en fin de semaine et ce nouvel entraîneur cette année, c'est Benoît Gratton, qui est l'ancien joueur du Canadien, et Olivier Galipeau, qui est revenu enchanté du camp des Blackhawks de Chicago. Le défenseur des Saguenay n'a pas réussi à se tailler une place pour le camp d'entraînement du grand club, mais il revient quand même enchanté de l'expérience. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.